La première des vérités, la voici. Tu ne tueras pas. Et cette parole est absolue. Elle a été dite pour la loi, aussi bien que pour l'individu. Guernesiais, écoutez ceci. Il y a une divinité horrible, tragique, exécrable, païenne. Cette divinité s'appelait Moloch chez les Hébreux et Teutates chez les Celtes. Elle s'appelle à présent la peine de mort. Elle avait autrefois pour pontife dans l'Orient le mage et dans l'Occident le druide. Son prêtre aujourd'hui, c'est le bourreau. Le meurtre légal a remplacé le meurtre sacré. Jadis, elle a rempli votre île de sacrifices humains. Aujourd'hui, en cette année dont elle épouvante l'aurore, l'idole monstrueuse reparaît parmi vous. Elle vous somme de lui obéir. Elle vous convoque à jour fixe pour la célébration de son mystère. Et, comme autrefois, elle réclame de vous qui avez lu l'Évangile, de vous qui avez l'œil fixé sur le calvaire, elle réclame un sacrifice humain. Lui obéirez-vous? Redeviendrez-vous païen le 27 janvier 1854 pendant 2 heures? Où en sont les hommes si le sacrifice humain est encore possible? Adore-t-on encore à Guernesey l'idole, la vieille idole du passé qui tue en face de Dieu qui crée? Quoi? Commuer une peine? Laisser à un coupable la chance du remords et de la réconciliation? Substituer au sacrifice humain l'expiation intelligente? Ne pas tuer un homme? Cela est-il donc si malaisé? Guernesiais, la peine de mort seule recule aujourd'hui, partout, et perd chaque jour du terrain. Francfort l'a rayé en 1848, Rome l'a supprimé en 1849, la Toscane l'a aboli, la Russie l'a aboli. Il dépend de vous que la peine de mort soit abolie de fait à Guernesey. Votre constitution, libre, met à votre disposition tous les moyens d'accomplir cette œuvre religieuse et sainte. Adressez-vous à vos gouvernants et à vos magistrats dans les limites de la loi. Réclamez le sursis, réclamez la commutation de peine, vous l'obtiendrez. Guernesiais, ce qu'a fait Jersey, Guernesey peut le faire. Ce que Jersey a obtenu, Guernesiais l'obtiendra. Dira-t-on qu'ici, dans ce sombre guet-apens du 18 octobre, la mort semble justice? Que le crime de Tappner est bien grand? Et parce qu'un matin, à un jour précis, le vendredi 27 janvier, en quelques minutes, un poteau aura été enfoncé dans la terre, parce qu'une corde aura serré le cou d'un homme, parce qu'une âme se sera enfuie d'un corps misérable avec le hurlement du damné, tout sera bien ?